Chapitre 91. La concision dans l'exhortation. Allah Ta'ala dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 16, verset 125. 699. Selon Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, faisait un prêche aux gens le jeudi. Un homme lui dit: « Oh Abu Abdirrahman, j'aimerais vraiment que tu nous délivres un prêche tous les jours. » Il répondit: « Rien ne m'empêche de le faire, si ce n'est ma crainte de vous lasser. J'espace donc mes prêches, comme c'était l'habitude du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui craignait de nous ennuyer. » Al-Bukhari et Muslim. 700. Abu al-Yaqdan, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: l'imam qui prolonge la salat et raccourcit le prêche, la khutba, a montré par là son érudition. Faites en sorte que votre salat soit longue et que votre prêche soit court. Muslim. 701. Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, rapporte: alors que je me trouvais en prière derrière le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'un des hommes présents éternua. Je lui dis: qu'Allah te fasse miséricorde. Yarhamukallah. Les gens me jetèrent alors des regards réprobateurs, mais je poursuivis: que vos mères vous perdent, qu'avez-vous à me regarder ainsi? Ils se mirent cette fois à taper sur leurs cuisses. Quand j'ai compris qu'ils me demandaient de me taire, j'ai gardé le silence. Puis la salat prit fin. Je n'ai alors jamais vu une telle pédagogie que celle dont fit preuve le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour lui. Il ne m'a ni chassé, ni frappé, ni insulté, mais il s'est contenté de dire: en prière, il n'est pas permis de parler, car celle-ci consiste seulement à glorifier Allah, à proclamer sa grandeur et à réciter le Coran, ou des termes semblables. J'ai dit: ô messager d'Allah, je viens à peine de me défaire de l'ignorance anti-islamique, de la jahiliya. Allah nous a apporté l'islam, mais il y a encore parmi nous des gens qui consultent les voyants. Il dit: toi, ne les consulte pas. J'ai ajouté: il y a parmi nous des gens qui consultent les oracles et croient encore aux mauvais présages. Il dit: ce ne sont que des impressions qui ne doivent pas les empêcher d'agir. Muslim. 702. Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous fit un sermon si éloquent que nos cœurs en furent saisis de peur et nos yeux débordèrent de larmes. Le hadith numéro 157 a été entièrement cité au chapitre numéro 16 intitulé « L'ordre de préserver la sunnah », où nous avons notamment précisé que At-Tirmidhi a dit de lui « Hadith Hassan Sahih ».